L'espagnol avec Michel Thomas, méthode de perfectionnement. CD numéro 4. Il reste encore deux formes particulières du passé simplon jouar que je ne vous ai pas encore données et que je vais vous donner maintenant. L'une d'elles est pour dire « j'ai su », qui se dit « souper ». C'est comme une soupe. S-U-P-E. Souper. Et donc, il a su, au passé du point, donc simplon jouar, ça sera soupo. Soupo. Et ils ont su, simplon jouar, soupieron. Soupieron. Tu as su, simplon jouar, soupiste. Soupiste. Et nous avons su, soupimos. Soupimos. Donc, ça c'est l'une des formes particulières du passé simplon jouar. Alors, il y a une autre qui est très courante. C'est le passé de... J'hésite un peu parce que c'est en fait le passé de deux verbes à la fois. Alors, je me demandais duquel vous parlez en premier. Bon, mettons que c'est le passé de « aller ». Comment dit-on « aller » ? Ir. Ir. Au passé simplon jouar, pour dire « je suis allé », on dit « fui ». F-U-I. Fui. Je suis allé. Je suis allé le voir, se dira donc « fui a verlo ». Fui a verlo anoche. J'ai été le voir hier soir. Fui. Donc là, ça ne suit aucun schéma connu. C'est un cas à part. Fui. Et à partir de fui, on obtient fouet, F-U-E, fui et fouet. Alors, il est allé le voir, au passé simplon jouar, se dira fuea. Fue a verlo. Fue a verlo. Et pour dire ils sont allés, au passé simplon jouar, c'est fueron. Alors, fui et fue et fueron. Et puis, fuiste et fuimos. Alors, encore une fois, je suis allé, simplon jouar. Fui. Fui. Il est allé, simplon jouar. Fui. Fui. Ils sont allés. Fueron. Fueron. Et tu es allé, simplon jouar. Fuiste. Fuiste. Et avec nous? Fuimos. Fuimos. Alors, nous sommes allés le voir, toujours simplon jouar. Fuimos a verlo. Fuimos a verlo. Alors, encore une fois, je suis allé au passé simplon jouar. Fui. Fui. Il est allé, simplon jouar. Fui. Fui. Elle est allée. Fui. Oui, fui. Vous, usted, vous êtes allé, simplon jouar. Fui. Fui. Ils sont allés, simplon jouar. Fui. Fueron. Fueron. Fueron. Fueron. Et tu es allé, toujours simplon jouar. Fuiste. Fuiste. Et nous sommes allés, simplon jouar. Fuimos. Fuimos. Alors, auparavant, je vous ai dit que les mêmes formes, fui, fue, fueron, fuiste, fuimos, sont également employées pour un autre verbe. Cet autre verbe, c'est ser, être. Ce qui veut dire que fui ne veut pas seulement dire je suis allé, mais peut aussi vouloir dire j'ai été. C'est-à-dire « je fus ». Et « fue », il a été, il fut, comme un point dans le passé. Donc, à chaque fois que vous avez « es »,« es » du verbe « ser », par exemple « es posible », au passé, on aura « ça a été »,« ce fut possible »,« fue possible ». Vous voyez d'ailleurs que ça ressemble beaucoup au français. hein, je fus, tu fus, il fut, hein, etc. Et fui, fuiste, fue, etc. Hein. Donc, fui, c'est à la fois je suis allé et j'ai été, hein, je fus. Et fue, à la fois, hein, il est allé et il a été, il fut. Mais, un principe, à partir du contexte de la phrase, vous saurez si c'est utilisé dans le sens de ir, aller, ou ser, être. Il n'y a pas de confusion possible. Alors, on avait vu qu'à l'imparfait, donc pour exprimer une ligne continue ou discontinue du passé, c'est très régulier pour pratiquement tous les verbes, sauf ir, et aussi ser, hein, ser qui donne era, et ir qui donne avec je, hein, j'allais se dit i. Iba. Iba. Hein, iba, et si c'est suivi d'un autre verbe, on ajoute a. Donc, iba a. Iba. Iba, hein, ou iba a, oui, hein, j'allais. Donc, ça c'est une exception. Et l'imparfait de ser, c'est era. Donc, au lieu de es posible, era posible. Es importante, era importante. Hein, c'est une ligne dans le passé. Mais, si c'est un point dans le passé, alors c'est fue. Fue posible, fue importante.